chant de la batterie. Oui, oui, j'entends. Très bien. Affaires, 19 ans, 18 ans à peine. Elle avait tout pour elle, des attraits de l'affaire. Au printemps, y a pas de problème. Et si jamais elle veut revenir, je dirais oui. Aux affaires, des mœurs, des mi, aime être butiné, ou la fleur, des mineurs, après le printemps, l'été. Mmh. Je suis pas prêt de me faire arrêter après le printemps, l'été. Y'a qu'à fermer les yeux pour une année. Regarde Manu et maman. Manu et maman. Manuel et maman. Je ne t'entends plus, c'est moi qui ne t'entends plus, maman. Ah ouais, je vais le décaler, ça c'est bien, il faut qu'il commence sur lui là par contre. Pourtant maintenant, si qui t'aime ma prenez-moi, peut passionner Manu. Ah non, maintenant, en m'amenant Manu, ma mission mamie, ma mission Manu, Manu, Manu, ma, Manu qui est important. Je ne suis pas ni le pour, ni le mal, ni le bien. Manu, mais la bien, pourtant. Chacun. Partout, Manu, mais la bien, maman. Partout, mais la bien, maman, Manu. Et maintenant, de Manu, y a une odeur d'Anu. Maintenant, Manu. Son Anu, il sent pas comme celui. Il sent comme celui de maman. Pas comme celui des manants, maman. Oh, celui des manants, comme maman. Amanon, Amanu son anu, il sent comme sa maman. Amanu son anu, il sent pas comme celui des manants. Même son caca, tu vois, il est propre bien comme tout ça. Même son caca, tu vois, il fait caca. Son caca, tu vois, il est propre bien et tout ça. Même son caca, tu vois, il fait caca. Manu, son anu et maman. Il sent pas comme celui des manants, Manu. Son maman, tu sais, son anu, il plisse pas comme celui des manants, Manu. Il a. Maman, c'est pas que ça m'amuse, mais maintenant, Tu sens comme les manants Manu. Maintenant, tu sais comme ça nous amuse, nous, les manants, de te pendre par les tripes, de te casser les dents, Manu, maintenant. Tu te sens comme petit Jean, danse, qui danse, qui danse, comme Manu, petit Jean, qui danse.